Que l'on puisse mieux se rencontrer. C'est ça l'amour. Et rien qui vous emporte au ciel. Un regard, un frisson, un baiser qui change la pluie en soleil. On voudrait pouvoir chanter l'air de la Depuis toujours l'amour c'est ça. Et penser à mourir quand il s'en va. Depuis toujours l'amour c'est ça. Et deux jours après, tout ça pour son aller recommencer. La la la la.